C'est fou ça. 89.1. Assemblage requis est une présentation du service aux étudiants et de la Banque nationale. Le plan d'aujourd'hui à assemblage requis. Nicolas, Fayette, tu penses? Oui. Assemblage requis, hey, c'est un beau matin. Quelle belle émission, hein? On se rappellera tous que c'est François Olivier qui était jaloux, qui disait que c'était tout le temps moi qui commençais l'émission. Donc, je me suis dit, ben, à partir de maintenant, François, si tu veux la commencer, ben, commence-la donc, l'émission. Puis là, ben, t'as faux complètement. C'est super la fin. Ouais. Je pense que j'en prends trop sur mes épaules des fois. Je peux la commencer, tu sais, moi, l'émission, si tu veux aussi, là. Non. Toi, tu pourrais juste bien compléter. Comme ça, c'est toi que les gens vont retenir parce que tu vas finir la chose. C'est ça qu'on retient, c'est la fin des choses, pas le début, ça. Ah, c'est pas grave. En tout cas. Donc, mercredi 24 novembre 2010, bienvenue à Assemblage requis, l'émission matinale en pièces détachées. Lui, c'est François-Olivier Marchand. Lui, c'est Mathieu Plante. Et puis, je reprends mon introduction. S'il te plaît. On va recevoir Nicolas Goyette du Carnaval étudiant. Moi, j'avais entendu Veillette, mais Goyette. Oui, Goyette. Oui, c'est ça, exactement. Carnaval étudiant de l'UQTR 2011. Exactement. D'accord. Donc, on va parler du carnaval aujourd'hui. Et puis, on va recevoir aussi Vincent Gauthier qui va nous parler de sport. Oh, Gauthier et Goyette, Gugoy. Gugoy, Bordello. Hein? Non. Pas Gugoy, Bordello. On va aussi, on a vraiment là, on a une extrêmement grosse émission. C'est peut-être pour ça, c'est peut-être le stress qui t'a amené à faire une mauvaise émission. Une très grosse semaine, d'ailleurs. on a la formation. J'ai goût d'aller en vacances. Ben, il te reste juste une journée et plus aujourd'hui. Ça fait quoi, deux, je pense, en théorie? Hein? Non, mais dans trois semaines, là, en fait. Les vacances de Noël. Ouais, tout à fait. Tu penses déjà à ça? Super. Qu'est-ce qu'on a aussi comme plan? On a Buddy McNeil and the Magic Mirrors, une formation qu'on va, avec qui on va s'entretenir par téléphone en entrevue. Ça vient vers les 7h30, donc dans une vingtaine de minutes. On a Kiwan en cavale aussi vers la fin de l'émission qui lui va nous parler. De qu'est-ce qu'il va nous parler? Je ne sais pas encore. Des choses qui se passent en Alberta. Il est en cavale en Alberta, ce Kiwan-là. Il va nous renseigner sur ses faits et gestes du moment. Hein? Bon! C'est bien ça? Oui. C'est intéressant, sa chronique. Oui, exactement. Aujourd'hui, il va nous faire entendre la musique. Ça va être très, très bon. Mais pour l'instant, on va commencer l'émission pas mollo, parce que vous allez trouver ça peut-être bizarre. C'est pas pour tout le monde, cette musique-là. Je vous avertis d'avance, c'est 4D. Moi, j'adore ça. Est-ce que tu connais un peu? Non, du tout. Je trouve que, comme première pièce d'émission, ça donne une espèce de rythme à l'émission. Je sais pas. Donc, émission climat de 4D au 89.1. C'est fou. Ce qu'on 4D émission qui m'a dans l'assemblage requis. François, c'est spécial, hein? Oui, tout à fait. Pas sûr d'avoir aimé ça. Non, ça, moi, c'est une des pièces que j'aime beaucoup dans l'histoire de C'est fou. C'est juste moi. Hein. Non, mais chacun. Ouais, mais t'as le droit, en fait. Ouais, c'est ça, ben oui. Ce que t'aimes, ça veut pas nécessairement dire que je l'aime et l'inverse, c'est aussi vrai. Donc, ça, c'est très vrai. Très vrai aussi. On va passer à un petit bloc qui a pas de nom. Tu sais que j'ai comme une folie que je dois nommer chaque bloc qui est particulier dans l'émission. C'est un petit peu un genre de mes défauts. Hein? Ben, c'est pas tellement un défaut. Non? Non. Okay. Fait qu'on l'appelle comment ce bloc-là de pièces qui ont joué précédemment sur les ondes de C'est fou pendant que personne n'écoutait parce qu'il était comme genre 5h du matin et avant? Je sais pas. Non, c'est vous avez peut-être raté ça. Peut-être que tu l'as pas entendu dans ton radio. Ou peut-être que vous l'avez entendu. Peut-être aussi, ça dépend des gens. Hey, désolé, t'as, je suis pas de bonne humeur. Non, je sais, ça paraît, mais c'est pas grave, on fait avec. T'sais, moi aussi, je suis pas de bonne humeur aujourd'hui. Donc, toi, t'as choisi Baja Bulat avec une pièce qui était sur le palmarès quand même semi-récemment. C'était cette année, donc en 2010. Oui, c'est ça, exactement. La pièce Gold Rush. T'as fait un très bon choix, sérieusement. Très bon, ça, cette pièce-là. Merci, Mathieu. Non, j'ai entendu ça un matin. En fait, c'est la première chanson. Ça partait bien ma journée. Oui. Mais, qu'est-ce qui s'est passé après ça? Non, je sais pas. En fait, j'ai raté l'intro, ça m'a fait. j'ai le goût de crier. Ah, ben là. Ah non, ça arrive, t'as raté. Non, ça arrive. Écoute, je suis fatigué. Attends, OK. Juste pour te soulager, OK. Parce qu'il y a personne dans l'université. Je pense que la chasse n'est même pas encore ouverte. Peu importe, même si elle l'est, on va faire comme si elle n'était pas. Je te ferme ton micro parce que ça va être gossant sinon. Puis crie bien, bien fort, OK. Moi, je vais me boucher. Non. Je ferme le micro, OK. Vas-y. C'était pas très fort, ça, par exemple. On l'a même pas entendu. Ah, c'est pas. En fait, tu m'as fait rire, merci, Matt. D'accord, fait plaisir. J'essaye. Ah, hein? Oh boy, non, mais ça arrive, écoute, je m'excuse des fois pour les gens que je pourrais rendre de mauvaise humeur. Ben non, les gens sont de bonne humeur. Non, je suis là pour les remettre, c'est le piton. L'idée, c'est de me changer les idées, faut pas que je pense à ça. Comme dans la pub. Comme dans l'intro. Donc, tu as choisi Baja Bulat, c'est ce qu'on disait. Baja Bulat, ouais, c'est très bon, pour vrai, je me souviens avec ça. Ça suivait de métrique, je trouvais le bloc très bon, mais oui. Écoute... Hein? On n'est pas pour copier-coller non plus ce qu'ils jouent. Mais non, juste un petit bloc minuscule de petites affaires qu'on a entendues précédemment ou même dans les jours passés. Parce que moi, j'ai choisi Gregory Pepper and His Problems. Lui aussi était sur le palmarès dans le temps. Très bonne pièce. Ça, je me rappelle, oui. Je me rappelle la pochette, en fait. Mais je pourrais pas te dire ce qu'il chante vraiment. Tu vas la reconnaître parce que pendant la première saison d'Assemblage requis avec un homme qu'on appelait Kiwan, on l'appelle encore comme ça d'ailleurs. D'ailleurs, on va l'appeler. Tantôt. Oui, en direct de l'Alberta, parce que c'est là qu'il est, pour ceux qui se demandent. Mais voyons donc, François-Olivier a pris la place de Kiwan. C'est quoi l'affaire? Il l'a-tu tué? Non. Pour avoir sa moustache? Non. Non. Hey, j'y ressemble, hein, pour vrai. Là, j'aborde son look. Oui, c'est ça. Tu l'as l'affaire. T'as l'air d'un Kiwan. On va t'appeler Ki... Ça prendra une petite casquette. Kiwan 2, ouais. Une petite casquette verte. Kiwan 2. Hey, c'est comme des chiffres. Kiwan 2, 3. Wow! On parle en anglais matin. Key 1, 2, 3, 4, 5, 6. On dirait qu'il remet de la grenouille. Hein? Donc, Gregory Pepper and His Problems. On va aller entendre la pièce I Was a John. Mais on débute avec Baja Bulat. Voici Gold Rush sur C'est fou. 89 FM dans le bloc. Vous l'avez peut-être manqué. Peut-être que t'étais pas là quand ça jouait. How could I be the last to know when they told me where the fool had gone? Oh, I was nothing. With an open heart, when they found you, it was all but cold. Those hands, they seemed so long. You saw the light of golden rush. You said you couldn't fight it all. be the last to know when they told me where the fool had gone. Oh, I was but the youngest one up there on the hills. They'll find me, oh, another side of gold to rush. Oh, I could never find them all. Another story of the one you lost, and I wanted to run over. I wanted to take over. I wanted to run over your Bloc. Vous l'avez pas entendu, peut-être que vous l'avez raté, peut-être que vous étiez pas debout à cette heure-là. C'est un beau nom, hein? Oui. Est-ce que tu l'as aimé, mon petit Bloc? Ben, la deuxième partie, au moins? Oui, tout à fait. Ah, ouais, ça va déjà mieux, Mathieu. Vois-tu, c'est comme une thérapie de te parler, donc... le dimanche matin, quand je vais me lever, je vais être de mauvaise humeur. Je vais appeler Mathieu Plante et je vais crier... Ah, c'est vrai, c'est la seule journée où il n'y a pas de Mathieu Plante ni de François-Olivier Marchand, hein, parce qu'on est en onde, dans le fond, du lundi au jeudi, de 7h à 9h, avec les meilleurs moments les vendredis matin, de 6h à 9h. Exactement, exactement. Et samedi après-midi à 13h. Ça fit très bien le vendredi matin, dans le sens que je m'en viens travailler, et puis je vous écoute, et puis j'écoute Danny aussi, janvier, qui fait le dîner de con, ouais. De 11h à 13h, donc non, ça fit bien. Oui. C'est très intéressant. C'est une belle programmation qu'on a, que vous pouvez voir. Une belle programmation sur le nouveau site Internet. Là, là, là, là, j'allais le dire, ouais, mais tu fais bien de le dire à ma place, ça fait plus... moins autant avec du... c'est ça. Donc, cifou.ca, c'est l'adresse www.cifou.ca. Et puis là-dessus, il y a plein d'affaires. Tout à fait. On a changé de couleur, on a changé de format. On met toujours la même adresse. Oui. Cifou.ca. D'ailleurs, on a aussi une application qui est disponible pour les iPhones. Oui. iPhone, / iPod Touch. Ou iPad même, peut-être. iPad, oui, c'est vrai. Ça sait dire, ça. Ça, ouais, tout à fait. Ouais. Et puis, ça vous donne accès, en fait, à... à la radio en direct partout où vous êtes. Ouais, n'importe où. Tu appuies sur l'icône sur ton iPod Touch, mettons, là, et puis ça démarre d'un coup sec. Il n'y a rien à faire de plus. Il y a même une petite tête qui tourne dans le coin. Donc, c'est très belle application pour vrai. C'est sincèrement, ouais, est vraiment très belle. Et puis, vous pouvez en fait la télécharger sur le App Store. Oui, exactement. Tapez C'est fou, C-F-O-U, live. Même si ça t'apprend, c'est fou, ça va apparaître. Ouais, juste c'est live, c'est le nom de l'application. C'est fou live, c'est direct. C'est fou, je pense qu'il en sort une couple dans le sens que ça maintient. T'avais un poil sur ton micro. Un peu. Écoute, c'est des choses qui sont dérangeantes le matin. En fait, j'avais pas de poil sur mon micro. C'était littéralement ma moustache qui frottait sur le micro. C'est joli. C'est Vive Movember, hein? Ah, ça achève. Ah, il est long. On a la photo d'Alexandre à pointe ici, d'ailleurs. Ah oui, OK, on va la mettre sur le speaker. Hey, et puis, je pense qu'il va falloir appeler des gens, peut-être aujourd'hui, si on a le temps, parce que je pense que... Ouais, je pense ça risque d'être serré. Une chose, et puis, hey, Mathieu, je t'annonce en ondes, comme ça, tu pourras pas me chicaner. OK. On reçoit une autre personne aussi. oui, tout à fait. À 8h10, la personne s'appelle Anouchka Soto. D'accord. Et puis, elle vient nous parler du happening culturel Arborescence. OK, puis elle était pas libre demain, c'est ça que tu veux me dire? C'est ça, exactement. D'accord. Ben, c'est merveilleux. Mais en fait, ça va aller vite aussi. Le carnaval, écoute... On va juste passer moins de temps avec chaque personne, mais c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Bref, d'ici la fin de l'émission, Kiwan en cavale, en direct de l'Alberta. On va parler du carnaval étudiant en 2011, comme tu as dit. On va avoir Vincent Gauthier pour sa chronique sport. Et on va parler avec Buddy McNeil de Magic Mirrors. Mais pas à Buddy, parce qu'on va apprendre que Buddy... Là, s'appelle Alexis Roberge. Il est pas dans le groupe, Buddy McNeil. Ben, c'est comme une longue histoire, c'est comme un hommage. Bref, on en parle tantôt avec eux dans les prochaines minutes. Pour l'instant, tant qu'à rester dans le passé, parce que tantôt, on écoutait des classiques d'un petit peu plus tôt cette année et l'automne passé, tu sais, des choses comme ça. On va retourner plus loin encore en arrière. En 2007, voici Figurines avec Childhood Verse au 89 FM. C'est Assemblage Requis jusqu'à 9h.

La pièce Help Me Mama de Buddy McNeil and the Magic Mirrors à Assemblage Rocky au 89.1 FM. On a Alexis Roberge de la formation avec nous. Bonjour. Salut. Ça va bien? Ça va, toi? On t'entend à merveille. Oui, tout va très bien. Oui, c'est merveilleux, on t'entend. on parle à Alexis Roberge, AKA, aussi connu sous le nom de Royal Bungalow. Yes. Oui, qu'est-ce que tu fais dans le groupe Buddy McNeil and the Magic Mirrors? Qu'est-ce que je fais? Je suis le chanteur et le guitariste. Super. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des autres membres du groupe, si, vu qu'ils ne sont pas avec nous par téléphone, malheureusement? Ben oui, y a Isabelle à la basse, Sébastien à la batterie et Nicolas à la guitare. Parfait. Donc, pour débuter, Buddy McNeil, c'est, pour être clair avec les gens, c'est pas un des membres du groupe. Donc, c'est non, qui? Est-ce non, que tu peux non. nous faire une petite leçon d'histoire sur Buddy McNeil? Oui, petite histoire courte. C'est quelqu'un que j'ai rencontré il y a quelques années quand j'étais en tournée avec mon ancien band, les Mods. J'ai rencontré quand j'étais à Peterborough, en Ontario. C'est un bonhomme qui est venu me voir après un spectacle puis qui m'a dit qu'il avait bien aimé ce que je faisais. Puis que je faisais penser à lui quand il était jeune. Puis il m'a proposé de me donner toutes ses chansons. Pour, comme ça. Fait que je croyais plus ou moins, mais quelques semaines plus tard, j'ai reçu par la poste une pile de bobines avec plein de chansons. Des bobines, vraiment? Oui, des bobines d'un quart de pouce dans une grosse boîte. Puis j'ai trouvé que les chansons étaient bonnes, puis j'ai décidé de monter un band avec ça. Puis il y avait Isabelle aussi qui était là avec nous ce jour-là. Hein. Mm-hmm. Puis il avait demandé à Isabelle de jouer la basse dans le groupe alors qu'elle avait jamais joué, touché à une basse de sa vie. Wow. Puis finalement, elle a appris. Hein. Oui, c'est ça. Puis c'est ça, on est rendu là. Puis je me suis rendu compte, on a fait quelques recherches. Mm-hmm. Puis lui m'avait dit... pour lui, la musique, c'est quelque chose qui devait se faire en live et qu'il avait jamais enregistré. Mais après avoir fait des recherches, on s'est rendu compte qu'il y avait déjà enregistré à Sun, la maison de disques qui avait engagé Elvis Presley au début, à ses débuts, entre autres, là, mais qui n'avait jamais sorti les enregistrements là-bas. OK. Donc, votre album Help Me Mama, c'est composé entièrement de reprises de pièces de McNeil. Help Me Mama, non. Ça, c'est un autre type de projet. La chanson Help Me Mama, c'est une chanson de Buddy McNeil. Okay. Les trois autres chansons, c'est des chansons de Buddy Holly, Richie Valens et Big Bopper, qui sont toutes morts dans le même accident d'avion, là, 51 ans. Mm-hmm. Puis c'est un peu un hommage qu'on voulait leur faire à eux. En même temps, c'était comme une façon de montrer que quel genre de traitement qu'on donnait aux chansons de Buddy McNeil, là. OK, OK. Vous dites que vous avez quand même immortalisé sur ruban la première partie de l'œuvre du Texan. Donc, est-ce que vous allez continuer à faire d'autres albums avec ces pièces à Buddy McNeil quand même? Bon, on est en train de le faire en ce moment même. Là. OK. OK. Et après ça, vous allez faire quoi après avoir peut-être épuisé son œuvre? Là, vous êtes déjà en train de faire des pièces de d'autres artistes, comme tu viens de dire. Mais oui. Est-ce que c'est dans les plans de tout le temps continuer de faire des pièces de d'autres? Ben, pour l'instant, là, on a du matériel vraiment plus qu'il en faut. Fait qu'on pense pas vraiment à l'après l'épuisement des stocks, là. OK. Vous êtes un groupe assez 50s, donc par le style de musique dont tu parlais il y a quelques minutes à peine. Mais est-ce que c'est les styles de musique qui vous touchent le plus ou est-ce qu'il y en a d'autres qui vous touchent dans la vie en général? Ben moi, j'aime beaucoup le R&B 60s, genre la Motown. Mm-hmm. C'est pas mal... j'aime beaucoup le country aussi, là. C'est vraiment les musiques qui viennent plus me chercher. OK, donc c'est plus rétro, c'est moins contemporain. Est-ce que tu aimes quand même le contemporain un petit peu? Ben, j'aime le rap des années 80. OK, OK. C'est très cool. Ouais, c'est ça. l'album Help Me Mama donc est disponible en CD pour seulement 5$ canadiens. Pourquoi le vendre à un prix aussi ridicule? J'imagine que c'est parce que moins tu vends un CD cher, plus les gens risquent de l'acheter, non? Ben, il y a 4 chansons. Mm-hmm. On s'est dit 5 pièces, c'est correct. Mais en fait, c'est surtout la version vinyle qu'on veut promouvoir. Mm-hmm. La version CD, on en a fait juste quelques-uns, puis c'est surtout pour de la promo. Puis ce qui restait, on l'a vendu. Mm-hmm. Ben, en fait, on en reste quelques-uns encore à vendre. Mais c'est le format vinyle qu'on a fait un 10 pouces. Mm-hmm. J'étais bien content d'avoir ça. C'était comme... j'ai réalisé deux rêves en même temps. En sortant cet album-là, je voulais reprendre les chansons des trois que j'ai mentionnées tantôt depuis un moment. Mm-hmm. Puis je voulais avoir un vinyle aussi, fait que les deux s'est réalisé. Ouais. Puis en plus, il y a un code pour télécharger l'album. Oui. Bon, qui vient avec, moi. Ouais. Ouais. Ça, c'est hot. Très bonne idée. Vous êtes en spectacle au Zénob le 27 novembre. Ça, c'est samedi. Ça a l'air de quoi en spectacle? Ah, c'est vraiment bon. Oui. C'est vraiment, vraiment bon. Donc, on conseille juste aux gens d'y aller puis de vivre l'expérience. Oui, puis on invite tout le monde à s'habiller en rayé ou marin. Ah ouais? En rayé ou marin? Et ou, ben genre rayé marin, là. OK, OK, OK. Si on arrive avec notre bateau. Non, on n'a pas de bateau, mais on s'habille tout le temps en... Même je suis le capitaine. OK. On est tout en marin, donc plus qu'on est de marin, plus qu'on rit, hein? Ben, c'est l'expression connue. Oui. Pour ceux qui veulent en savoir plus sur Buddy McNeil and the Magic Mirror, c'est sur Internet. Donne-nous quelques adresses un peu, s'il te plaît. Ben, si vous voulez en savoir plus sur Buddy McNeil, on a trouvé un site Wikipédia. Puis ouais. Il est sur quelques sites qui font référence à Sun Record aussi. Mm-hmm. Sinon, sur nous, on a MySpace, Bandcamp, où est-ce que vous pouvez acheter la musique en ligne. Ouais. Et ou ben, si vous voulez devenir nos amis Facebook, ben, on a un Facebook aussi. Ben, c'est super. Si jamais on vous rate à Trois-Rivières, vous êtes aussi en spectacle à Montréal au Divan Orange le jeudi 9 décembre et le vendredi 17 décembre aux Haricots de Saint-Hyacinthe. Oui. C'est bien ça. D'accord. Ben, merci beaucoup. C'était Alexis de la formation Buddy McNeil and the Magic Mirrors par téléphone en direct. Merci beaucoup. Hey, merci beaucoup. Merci. Est-ce que tu veux choisir, là on a seulement ton MySpace à faire jouer en ce moment, désolé, mais est-ce que tu as une pièce n'importe quelle autre que Help Me Mama? Non, je choisis celle que vous voulez. OK, bon, ben allons-y avec You Got Me Running, ça te va? C'est parfait. Parfait, ben bonne journée, merci. Hey, merci, bye-bye. Au revoir. Dit-il tout bas. Dit-il tout bas, comme ça, très subtilement. You Got Me Running, de Buddy McNeil and the Magic Mirrors. Très sympathique, si le monsieur. MySpace veut bien. Oui, très sympathique, très sympathique. MySpace veut pas. Tout collabore aujourd'hui pour m'aider. C'est pour assemblage requis, en général, ce matin, c'est une belle matinée. I'll be there, pourquoi pas. Si ça veut. Ça veut pas. C'est super. François, ça veut pas. Ça veut pas, ça mais, veut pas. Mais ça, non, il y en a pas d'autres. Non, c'est ça. Mais on viendra tantôt. Ben oui, ben oui, certain. On va jouer Zeus pour l'instant. Et puis, on viendra avec une autre pièce de Buddy McNeil dans quelques secondes. Zeus avec How Does It Feel, tout de suite au 89.1 FM. Vivement les différents internets. Ils sont fins avec moi. Waiting for your chance to get away. Thank you. Assemblage requis est une présentation de la Banque nationale et du service aux étudiants de l'UQTR. Yes, Skyscrapers de OK Go dans l'assemblage requis. C'est la fin de la première heure. Il y en a une deuxième qui s'en vient après la pause, n'est-ce pas, François-Olivier Marchand? Fort bien rempli, d'ailleurs. On va souhaiter Nicolas Gaillili. Lui, hein, t'as arrêté. J'ai de la misère avec son nom aujourd'hui. Nicolas Goyette du Carnaval. Et on reçoit aussi Anouchka Soto de Arborescence. Et puis, on ne reçoit plus. Non, c'est pas Vincent Gauthier pour les sports, mais on va avoir Kiwan en cavale. Tout à fait. Donc, on remplace. Non, c'est pas son remplaçant. En fait, c'est toi le remplaçant de Kiwan. Non, mais on remplace la chronique de Vincent Gauthier. Oui. Tu n'as pas bien compris. Tout à fait. Reste avec nous. Donc, une deuxième heure d'assemblage requis s'en vient et plein de bonne humeur dans vos oreilles. C'est fou ça, 89.1. Assemblage requis est une présentation du service aux étudiants de l'UQTR et de la Banque nationale. Bon, donc c'est la deuxième heure d'assemblage requis en ce mercredi 24 novembre 2010. En direct des studios de CFA à Trois-Rivières, lui c'est François-Olivier Marchand. Et lui c'est Mathieu Plante. Oui. Tout à fait. J'aime ça parler comme ça. Oui. Oui. Hey, classe. Écoute, Matt, on a en studio Nicolas Goyette qui vient de parler du carnaval. Ben oui, bonjour. Ça va bien? Ben oui, certainement. Oui. Hey, oui. En fait, veux-tu nous expliquer un peu c'est quoi le carnaval? Des fois pour les jeunes, des fois à l'extérieur qui viennent pas nécessairement à l'UQTR, qui savent pas nécessairement c'est quoi. Oui, dans le fond, le carnaval étudiant, c'est une compétition amicale entre les différentes associations étudiantes ici à l'UQTR. Donc, c'est ça, c'est une semaine remplie d'activités, remplie de spectacles. Donc, c'est bien agréable. Pendant l'hiver, et puis il y a des activités. En fait, les activités, ça peut ressembler à quoi, mettons? Donc, premièrement, c'est du 24 au 27 janvier, okay. Les activités. Je peux parler des grands classiques aussi. Ouh. En même temps. Ouais, c'est ça, rentre pas trop dans le détail. Non, parce que la programmation va être dévoilée un petit peu plus tard. Donc, on parle le lundi, c'est le grand spectacle d'ouverture à partir de 22h le soir. C'est un spectacle de musique? C'est un spectacle musical. En effet, on reçoit deux bands différents. Donc, ça va bouger pas mal cette année. Ensuite, le mardi, on a notre spectacle d'humour traditionnel, donc avec des humoristes professionnels qui viennent faire un tour ici au 10-12 de l'UQTR. Et le jeudi, la fameuse shop d'art où c'est le dernier party du carnaval étudiant. Donc, c'est l'occasion de faire la fête et terminer le tout en beauté. Et c'est ça, nous, nos locaux, en fait, sont directement à côté du 10-12. Et Dieu sait qu'on sait le lendemain de la shop d'art. Oh oui. Ça sent vraiment fort. Et voilà. Donc, c'est ça. Cette année, c'est du 24 au 27 janvier. C'est en plein ça. OK, merveilleux. Et puis, nous expliquer, en fait, c'est quoi, il y a des inscriptions, j'imagine, pour les associations, comment ça fonctionne? Ben, en fait, chaque association a son représentant du carnaval. Donc, les inscriptions se déroulent jusqu'au 10 décembre. Okay. Puis, dans le fond, chaque étudiant doit aller voir son représentant d'association pour aller s'inscrire. Pour dire, je veux faire partie du carnaval. Oui, c'est en plein ça. OK. Puis, c'est ça, ils ont jusqu'au 10 décembre, puis... le montant, c'est un 20$ tout simplement. Par étudiant? Par étudiant. Okay. Ils ont le droit à un buck, puis un t-shirt identifié avec le logo de leur association. Okay. Ça qui donne droit, je pense, à l'accès au spectacle. Accès au spectacle, la participation aussi, parce qu'on a besoin beaucoup, beaucoup de participation. Donc, l'année passée, on a eu à peu près 1200 inscriptions. L'année passée, ça a très bien été. Puis cette année, on a un objectif de 1500. Donc, OK. On essaye d'augmenter d'année en année. Donc... Ça va bien aller. Et puis, voilà. C'est ça, les associations, ils ont des activités à faire, à accomplir. Ils ramassent des points. Oui. C'est ça. En fait, veux-tu nous expliquer un peu... Donc, dans le fond, chaque activité correspond à un tant de nombre de points. OK. Puis... Tout dépendant de l'importance de l'activité. Et voilà. Puis... tout dépendamment aussi comment les points sont distribués par activité. Donc, tout le long de la semaine, les assos ramassent des points pour déterminer finalement l'association gagnante au bout des 4 journées d'activité. Et puis, une petite question peut-être qui va paraître niaiseuse. L'association gagnante, est-ce qu'elle gagne quelque chose? Ben, premièrement, le trophée. Le trophée, ouais. Et ensuite, l'honneur d'avoir... T'as le droit de se vanter. Et voilà, et voilà. L'année passée, c'était psycho-éducation. L'année passée, c'était psycho-éducation. Ils sont encore propriétaires du trophée en ce moment. Donc, ils sont dans leur bureau d'assaut maintenant? Oui, en ce moment, oui. C'est psycho-éducation. OK, mais je pense qu'une association qui est quand même forte, c'est Kiro. Est-ce que je me trompe ou... J'ai pas mes derniers résultats avec moi. Ouais, j'ai entendu dire que Kiro, en fait, il était comme tellement très nombreux qu'il participait vraiment et puis qu'il était très fort. Donc, est-ce qu'il y a un parti pris ici, là? Ou... on va mettre ça dans la colonne des oui colonnes, jeu de mots sur les dos. j'ai la question qui tue? Je veux savoir si le café Baileys revient. Bien sûr, c'est vraiment important pour moi. Lors du 5 à 7, Mathieu, justement... Mathieu, ça brosse cette semaine-là. Voilà. Il boit sa job, là. Lors du 5 à 7, on a fait justement la pige des associations qui allaient faire les cafés Baileys, puis les hot dogs le soir lors des c'est des associations. Je savais même pas, je pensais que c'était vous autres le comité organisateur. Non, pas du tout. Donc, chaque association a été pigée. C'est qui? Donc, Je ne les ai pas avec moi, malheureusement. Okay. Ils sont au courant, ces associations-là. Ils sont en train de se préparer, c'est sûr. Donc, c'est à partir de 8h à tous les matins. Donc, du 24 au 27, il y a le café Baileys qui va être servi ici au Dizos ou à la Chasse-Galerie. Puis le soir, c'est les hot dogs à l'extérieur aussi. Là. C'était des blagues en passant. Jamais je ne prends pas café Baileys à la Franchement, l'année passée. Mission le 8h. Ouais. L'année passée, il y allait puis il retournait. Il t'en met pas mal, par exemple. Comme je disais à la fille, t'en mets pas mal dedans. Là, j'étais comme hier. Hey, mais très bonne idée, ça. En fait, je pense que c'est apprécié sur le campus, le carnaval. Ça met de l'activité. Même le matin, des matins où c'est beaucoup plus tranquille. Là, donc, ça met de la vie. Tout à fait. Voilà, c'est un peu pour ça aussi que le carnaval existe. Là, pour, c'est ça. Et puis, l'année passée, d'ailleurs, vous étiez, je pense qu'il y avait une activité aux Patriotes. Ça a mis beaucoup d'ambiance aussi pour une game des Patriotes. Oui. Ça fait connaître aussi le produit, en fait, là, pour... pour les étudiants, dans le sens que les Patriotes, c'est gratuit. Vous voyez, c'est le fun, une game de hockey. Effectivement. Okay, cette activité-là, on va revenir aussi. Puis, concernant les autres activités, c'est sûr, il y a des rallyes, il y a des tournois plus sportifs un petit peu. Il va y avoir des quiz, il va y avoir des compétitions à l'extérieur. OK, cool. Hey, mais écoute, on fait un deal en nombre. Oui, donc. Tu reviens nous voir pour nous parler, en fait, là, des activités. Puis, pas de problème. Cool. Pas de problème. Super. On rappelle juste la date d'inscription. Oui, donc jusqu'au 10 décembre. À votre représentant d'association. Après ça, ça va être quand même possible de vous inscrire. Par contre, il n'y aura pas les logos d'association sur les T-shirts. Tout ça. OK. Donc, en fait, pour les étudiants, les représentants d'association sont connus. Là, j'imagine ça va quand même bien à ce niveau-là. Ils sont supposés avoir déjà transmis les informations au sein de leur association puis des classes. Puis est-ce qu'il y a des étudiants, peut-être à temps partiel, mettons, de soir, qui veulent s'impliquer aussi? Ça, c'est plus rare, j'imagine. Ben, côté implication, c'est sûr qu'on cherche toujours des bénévoles... Présentement, on est à 55-60 inscriptions. On en recherche une centaine. Okay. Donc, les bénévoles qui participent aux activités aussi peuvent ramasser des points pour leur association. Ça, c'est nouveau de cette année aussi. Okay. Donc, ça va donner le goût de s'impliquer, en fait. Et voilà. Donc, bonne idée. Il nous reste encore une quarantaine de bénévoles à recruter. Okay. Puis, mais ça va assez bien. Ah, très Est-ce cool. qu'il y a toujours le site internet qtr.ca/carnaval? C'est en plein ça. D'accord. Puis on a aussi notre groupe Facebook Carnaval étudiant 2011-UQTR. Où les gens peuvent avoir de l'information en attendant que le site web soit mis à jour. Merveilleux. Et puis en attendant, le Café Baileys. Et voilà, le classique Café Baileys. tous les matins de cette semaine-là, François. C'est quand? Du 24 au 27. On prend des notes. Yes. Merci beaucoup. Ben, merci à vous autres. Hey, merci, Nicolas. Et puis, c'est ça, tu reviens nous voir pour nous parler des activités. Oui, je vous donne des nouvelles là-dessus. Dès que c'est connu, le spectacle de musique aussi, on veut savoir c'est quoi. Donc. Yes. Nicolas Goyette. Merci. Merci. Merci à vous. Nom de famille, on leur tient, c'est leur tenue, François, ça va? Oui, tout à fait. Parce qu'à matin, en fait, j'ai vraiment scrappé ton nom. Là. Ah ouais? Ah, ça, c'était pas cher. Ah oh, non, Dieu merci. C'est ça, on en reparlera pas trop longtemps. Non. Donc, nous, on va continuer à Assemblage requis jusqu'à 9h. Il nous reste une cinquantaine de minutes ensemble. Écoutons donc Vidéoville avec Gamera tout de suite. Sur C'est fou! 89 FM. Vidéo Ville et la pièce Gamera de leur album Vendetta dal Futuro. Tu peux-tu me répéter le titre? Vendetta dal Futuro. C'est sûrement futuro. N'importe quoi comme prononciation, mais ça ressemblait. Non, ça sonne bien. Ouais. Ça sonne très bien à mon oreille. J'adore ça. Hey, Matt, on reçoit Anoush. Oh. Non, ça va, c'est correct. Okay. On reçoit Anoushka de Arborescence. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui, vous-même. Oui, toi-même. Oui, très bien. Moi aussi, très bien. Salut. Alors, ouais, c'est ça, c'était pour les deux. Merci. En fait, est-ce que tu veux nous expliquer un peu c'est quoi Arborescence? Pour les gens qui ne connaissent là, aucunement Arborescence, c'est quoi Arborescence? Certainement, mais Arborescence, c'est la 5e édition en fait cette année. Donc, ça va être la 5e année qu'on va faire cette édition-là. Arborescence, c'est un happening culturel qui va mettre en valeur les artistes de première et de premier cycle et deuxième cycle en récréologie, donc au bac de culture, loisirs et tourisme. Donc, c'est une formule 6 à 9 qui va avoir lieu le 30 novembre, donc mardi le 30 novembre prochain. Il va y avoir, premièrement, l'entrée est gratuite. OK. Il va y avoir Boucher 20, ça va être au 10-12 Néré-Beauchemin, donc ici sur le campus. OK. Puis, bon, c'est ça, nous, on invite le plus de personnes possible parce que c'est ouvert à la communauté trifluvienne, en fait, pour participer plutôt, pour regarder. C'est ouvert aussi aux étudiants de l'université au complet. Donc, on souhaite avoir le plus de participants possible, étant donné que c'est vraiment un happening culturel qui se passe tous les ans depuis un certain nombre d'années puis qui se passe vraiment très bien. Donc, Et puis, on peut s'attendre à quoi si on va là? Bien, il va y avoir des présentations hors plastique, hors visuel. Il va y avoir artistes, compositeurs, interprètes. Okay. C'est vraiment temps. Très diversifié. OK. Wow, t'as raison. Puis c'est gratuit, ça se passe au 10-12. C'est quand? C'est le 30 novembre de 6h à 9h. Puis on souhaite aussi que les gens participent en votant pour leur coup de cœur parce qu'on va avoir des beaux prix pour les coups de cœur, en fait, ceux qui vont avoir été nominés le plus souvent. OK. C'est quoi les prix? Ben en fait, les prix, ça va être encore une surprise. Okay, okay, je okay. Mais je peux quand même au moins remercier nos commanditaires ben qui oui, ont ben oui, tout à chaleureusement fait, nous donner les prix. Donc, il y a le centre d'interprétation Boréalis à Trois-Rivières. Il y a le magasin Omer de Serre à Trois-Rivières aussi. Il va y avoir aussi deux artistes indépendants, dont Chantal Laparé et Anne-Sophie Asselin. Donc, on remercie vraiment nos commanditaires pour les beaux prix qu'ils vont pouvoir donner à nos gagnants. OK. Et puis, est-ce que c'est vraiment tous les étudiants qui s'impliquent ou... C'est pas tous les... Ben, en fait, vous parlez des artistes? Oui. Non, non c'est sûr, parce que j'imagine qu'il faut quand même avoir un talent. Mais pas que je veux dire que les... Jean-François pourrait pas y aller, mettons. Là, non, mais... Ben, non. Peut-être, je sais pas. Voilà, je danse bien, j'ai un bon jeu de pied. Ah, genre... Bon. mais ouais, non, c'est ça. Exemple que moi, en fait, j'ai plus ou moins de talent au niveau du chant, ces trucs-là. Je suis peut-être une personne aussi un peu plus réservée, donc j'ai comme pas le goût de me présenter, mais c'est correct là, aussi. En fait, c'est des gens qui s'impliquent, qui ont du talent, qui ont le goût de le montrer. Effectivement, donc c'est ça. C'est pas tout le monde du bac nécessairement qui vont participer. C'est vraiment des gens qui ont un talent, qui veulent le montrer. Puis c'est une façon pour nous de vous montrer à quel point on a... des étudiants avec des talents diversifiés parce que c'est vraiment intéressant. Là. Pour ma part, moi, je participe pas en tant qu'artiste. Non, ben c'est ça, c'était ma prochaine question. Okay. Mais je m'implique d'une manière différente pour le comité. Ben oui, tout à fait. T'en parles à la radio, c'est bien aussi. Exactement. les gens qui veulent en savoir plus, sur Facebook, il y a une page qui s'appelle Arborescence 2010 Simplicité Volontaire. C'est très simple, juste en cherchant Arborescence, on trouve, c'est comme le deuxième résultat. Donc, ART, espace, B-O-R, accent grave, S-E-N-S. L'appellation est comme nécessaire à la compréhension du nom quand même. Exactement. On s'entend là-dessus. Donc, Arborescence sur Facebook. Soyez amis, et puis fans, et puis RSVP, et puis attending, et je serai présent. Faites tout sur Facebook. Tu sais, il y a plein de boutons. Hein. Cliquez dessus. Je vous remercie beaucoup. Merci à toi. Hey, merci, vraiment. Oui. Fort sympathique. Et puis, s'il y a d'autres choses, en fait, je n'y vais pas. Et puis, vous revenez nous voir. En fait, peut-être juste rappeler la date et puis le lieu. Oui, le 30 novembre de 6h à 9h au 10-12 Néré-Beauchemin, gratuitement. C'est mardi qui s'en vient juste là. Mardi, effectivement, merci. Celui-là. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci. Toujours Assemblage requis jusqu'à 9h. Il nous reste 40 minutes ensemble. Je viens de confirmer avec Kiwan qui va nous appeler tantôt en direct de l'Alberta. Donc, Kiwan en cavale, c'est dans les prochaines minutes. Mais pour l'instant, François-Olivier Marchand, qu'est-ce qu'on s'en va faire? On retourne en musique. Oui, tout à fait. Est-ce que tu me faufiles un CD comme ça directement, okay, subtilement, go. Comme un ninja? Okay, okay. Go. Est-ce que tu écoutais l'émission plus tôt? Est-ce que t'étais là? Oui. On a écouté OK Go déjà. Tu me l'as pas dit? Non, ben c'est le cas quand même. Ben là, il faut que tu me le dises, Mathieu. Je te dis, je suis en train de te le dire en ce moment. Ouais, tout à fait. Hey, frère Goyette. Ah, ben, ça fit parce que tantôt, on avait un invité qui s'appelait Goyette. François-Olivier avait de la misère à retenir Nicolas Goyette.

Favorite Color de Tokyo Police Club sur leur album Cham. C'est le deuxième extrait de cet album-là après Bambi, dont vous vous souvenez peut-être Bambi. Qu'on adore ici à Assemblage. Rocky! Bambi, Bambi, Bambi. Ouais, c'est ça. C'est ça que ça fait un Bambi. Ah oui? Ça... Ouais. Dans le bois, là, c'est, si tu veux le caler, là. Bambi, Bambi, Bambi. Bon, mais il faut que tu le répètes plusieurs fois, par exemple. Puis des fois, ça prend un porte-voix parce qu'ils sont loin. Tu finis? Oui. C'est bon. On va parler à Key One en direct de l'Alberta. On va démarrer notre moteur et aller rejoindre Key One en cavale. Bon matin, Key One. Bonjour. Ça va? Ça va bien, vous? Ben oui, il est quelle heure? Ben oui, c'est comme... ça, il est très de bonne heure, là. Ouais, présentement, il est 2h du matin. Hey, non, non, non. Même pas vrai. Il est 5h30. Il est 6h30, en fait, mais ouais, j'ai juste de me lever. Fait que dans ma tête, il est encore très, très tôt. Ouais. Désolé de te réveiller comme ça. Ben non, il n'y a pas de problème. Mais t'es là pour nous parler ça de... Ça nous fait plaisir, même. Oui. Ouais, vous avez l'habitude, quand même, de réveiller les gens le matin, là. Ouais, c'est exact. Nouveau, hein. C'est pas très comment vont, vos moustaches, les gars? Ça pousse, ça pousse. Ouais, ça pousse pas pire. Celle de Mathieu est très, très belle. Ah, arrête je ça. Je l'adore. Et tu vraiment, je veux voir la moustache de Mathieu, là. Si tu vas sur Internet, sur assemblagerequis.com, il y a le lien en haut de la page de chaque émission de la semaine, de la journée. Et puis c'est marqué galerie de photos de moustachu. T'es à voir ça. C'est beau à voir. Ah, yes, j'allais voir ça. Ouais, on va mettre les photos sur le site de C'est Fou aussi, cestfou.ca. Donc, Iwan, qui est en direct d'Alberta pour nous parler aujourd'hui de musique. Oui, un peu, je veux parler de musique. Ah oui, parle-nous de musique. Parle-nous. Ah ben, je vais juste vous présenter un groupe d'enfants. Je sais pas si vous connaissez, je pense que sur la côte est, c'est pas vraiment très connu. Je sais pas si vous l'avez reçu, c'est fou. Mais c'est un groupe, en fait, que j'avais l'habitude de faire jouer un peu l'année passée à Assemblage Rocky. Mathieu, peut-être que tu vas t'en rappeler. Oui. C'est le groupe Hot Panda. On faisait souvent jouer la pièce Cold Hands, Chapped Lips. Je me rappelle très, très bien que tu la faisais jouer. J'ai de la misère à me rappeler la pièce. Là. Il faudrait la réécouter. OK, ben vous ferez ça un jour, vous la réécouterez. Mais là, pour l'instant, je vais vous faire écouter un extrait de leur nouvel album. Parce que, ben en fait, il n'est pas si nouveau. Là. Ça fait environ un mois et demi qu'il est sorti. Il est sorti le 12 octobre dernier. L'album s'appelle How Come I'm Dead. Puis c'est vraiment très bon, Hot Panda. C'est un peu dur à décrire. Là. Surtout leur nouvel album, celui qui est sorti là, le mois dernier. C'est un petit peu différent du premier. Le premier était très mélodique, était vraiment très classiquement indie rock, là, avec beaucoup de mélodies, de xylophone. C'est quand même assez catchy et assez sexy comme son. Le deuxième album a un son un petit peu plus rough, un peu plus rock aussi. Et même, je dirais, avec une petite psychédélique rétro, des fois, là, ça me fait un peu penser même par bout, là, de façon assez subtile. À Stereolab, côté psychédélique. Là, puis, sinon, le son général, l'énergie là, dégagée par Hot Panda, ça me fait penser aussi un peu à Hot Hot Heat, que vous aimez bien aussi. Ben oui, ouais, c'est très bon ça. Ouais, et puis c'est ça, le groupe vient de Edmonton. Donc, on commence dans les prochains jours là, une tournée dans l'Ouest, ici, là, aux États-Unis et au Canada, mais sur la côte Ouest. Donc, je ne sais pas s'ils vont aller... sur la côte est, parce que comme je vous disais, je pense qu'à l'extérieur du coin ici, là, puis de la côte ouest, ils sont pas très très connus encore. Mais je vous souhaite en tout cas qu'ils aillent faire un tour par chez vous un jour. Avant qu'ils soient en extinction. c'est ça. Comme un panda. Mm. Ouais. Ça te laisse aussi froid qu'avant, mais mauvaise blague. Hein? Non, ça va. OK. C'est vrai, Mathieu, là, comparé au froid qu'il fait aujourd'hui, là, tes blagues, là, c'est comme un vent de chaleur. Hein, ouais, il fait très froid à Edmonton. J'ai vu la semaine dernière, je pense qu'il faisait moins 19. Es-tu sérieux? Présentement, là, sur mon thermomètre de camion, là, j'ai moins 29. Hey! Wow! Hey, y'a-tu beaucoup de neige? Ben, un bon pied, je te dirais. Là. T'es-tu sérieux? Ouais, ça a commencé là, à peu près 10 jours, là, puis je te dirais que la semaine passée, je pense qu'il n'y a pas eu une journée où il n'y a pas neigé. Il y a eu du verglas, de la neige, du froid, une tempête, ça a été assez l'enfer. T'as bien choisi ta région. ben, tu sais, quand j'habitais au Québec, je me disais, moi j'aime ça l'hiver, j'aime ça qu'il fait froid, j'aime ça le nord, mais là, je suis comme en train de débuzzer un peu. So careful what you wish for, hein, comme ils disent, fais attention à ce que tu souhaites. Ouais, voilà. Je veux du froid. Ben, en v'là du froid. Je suis servi. Ta carrière de truckeur, de camionneur, va bien, sinon? Oui, ça va très bien, là, à part que, c'est ça, il fait très froid, puis c'est des conduites hivernales là, qui ont commencé. Les routes sont vraiment incroyablement mal déneigées ici. Ah oui. Là. Ils connaissent pas ça, le calcium, je pense, parce qu'en fait, il fait trop froid pour qu'ils utilisent ça, mais ils mettent seulement du sable. Donc, il y a eu une tempête de verglas, là, exactement 10 jours, et puis il y a encore, là, même sur les autoroutes, dans les grandes villes, il y a encore du verglas sur la chaussée. Eh, ça, encore, c'est dangereux. Ouais, ça a l'air que, selon le monde ici, ça va être comme ça pas mal tout l'hiver, là. Faut juste s'y faire. C'est fun. Adapte ouais. ta conduite. Ça, ouais, exactement. Est-ce que les gens conduisent quand même bien pour la température ou faut faire attention pas mal? Hein? Ouais, mais il y a quand même un bon nombre d'autos dans le fossé, je te dirais. À chaque jour, j'en vois plusieurs. Ouais. Ben, c'est ça. Bonne chance avec ça. Ben, conduis prudemment. Et puis, Kiwan, est-ce que tu redescends pour les fêtes ou? Ben, non, finalement, non? J'étais supposé descendre pour les fêtes. J'aurais aimé ça aller voir, mais non, finalement. J'ai comme attendu pas mal là, pour m'acheter un billet d'avion, puis c'est rendu un prix vraiment incroyable. C'est très cher, hein? Ouais, pour les fêtes, là, c'est vraiment pas achetable. Là. C'est rendu comme 1200 à peu près, un billet aller-retour, là, qui ça, coûte à peu près 500 d'habitude en période morte. Là, ouais. C'est un petit peu trop cher, mais je vous dirais que je sais pas si je vais rester encore une éternité ici. Ah. Là, je commence à m'ennuyer pas mal de vous autres, fait qu'on on verra ça. Ah oh, ouais, tu reviendras dans le coin. Hein. Ben, c'est sûr qu'un jour, j'ai l'intention de revenir, là. Je ne vais pas faire ma vie ici, mais je commence à y penser tranquillement, pas vite. Ouais, puis c'est ça. Fais attention avec les billets d'avion, ça va défaire ta marge de profit et ta raison d'être en Alberta. Ben, c'est exactement ça. C'est pour ça que j'ai décidé de rester ici, mais je prévois quand même un petit road trip là, pour les fêtes. Là. Je vous en reparlerai rendu là. Ouais, tiens-nous au courant. Nous, on va l'entendre, donc, ta pièce que tu as choisie, Hot Panda avec Mindlessness. Ouais, drôle de titre quand même. Hein. C'est bon, j'aime ça. C'est très, très bon. Donc, on va écouter ça à Hot Panda, puis on te remercie. On te souhaite de passer une belle semaine, puis on te retrouve dans les prochaines semaines. Hein? J'essaie de vous rappeler la semaine prochaine. Parfait, merci, Kiwan. Hey, bonne journée, les gars. Bonne journée. Yes, salut. C'était salut, Kiwan, en direct d'Alberta, avec un savoureux délai. Téléphonique qu'on adore, nous, ici à Ben, c'était pas, on dirait que c'était moins pire que les autres fois. J'avoue que c'est moins pire. C'est moins pire. Donc, Hot Panda et puis la pièce Mindlessness à Assemblage Requis sur C'est fou. Yeah. concert à C'est fou. C'est fou ça. 89.1. Assemblage requis est une présentation de la Banque nationale et du service aux étudiants de l'UQTR. Vous écoutez Assemblage requis sur C'est fou. C'est Assemblage requis, l'émission matinale en pièces détachées en compagnie de François-Yves Marchand et de Mathieu Plante. Il nous reste une vingtaine de minutes ensemble, n'est-ce pas, F.O.? Tout à fait, 21 pour être plus précis. Foam. Et puis, moi, en fait, il y a un party à mon honneur, le Foam Party. Ouais, c'est ça, c'est juste pour toi. Fait que fais attention. Ils ont rajouté un A, mais c'est juste pour être cute, là. Ouais. Oh non, mais c'est juste pour ouais, c'est, ouais. C'est copyright, sinon t'aurais pu poursuivre, ça. Ouais, mais tu veux que je te dise un petit... Un inside? Ouais, ben c'est... un hint. Un indice. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Foam, parce que mon nom de famille, c'est Marchand, fait qu'ils l'ont comme viré de bord. M-A. F-O. Wow. Mais en tout cas, il n'y a pas grand monde qui le sait. Non, c'est ça. Non, keep low profile, man. C'est ça. Et keep it simple, stupid. D'autres oh! phrases que personne, que tout le monde dit, mais que personne comprend. Ouais. Yeah. Fait qu'on se voit dans mousse. On se voit dans mousse. Oh, ça sonne comme on se voit dans le jello ou on se voit dans la boîte. Je sais pas si hey, tu apprécies tant que ça. J'ai déjà assisté une fois dans. Bon, en tout cas. Dans ta vie? Ouais. Mettons? Ouais, mais mettons. À un truc de. Tu t'allais le dire, mais là, tu t'es rappelé que ta blonde écoutait peut-être, c'est ça? Ouais, ça ressemble à ça. C'est pas ça? Ouais, non, mais je vais le dire parce que j'ai commencé. Non, mais il y avait un combo, en fait. C'était deux dames dans la boîte. Uh-huh. Je trouvais ça. On trouvait ça très drôle. Uh-huh. Voilà. C'est une anecdote croustillante, ça. C'est... Ouais, c'est ça, exactement. Il n'y a aucun détail là-dedans, c'est juste, ouais, ok, cool. Non, mais c'est ça, j'ai pas voulu élaborer. Tranche de vie. Ça serait drôle de faire une. Une chronique tranche de vie qui veut rien dire comme ça, j'apprécie, mais j'ai pas de musique pour ça, par exemple, en ce moment. Écoute, tu dis ça, puis demain matin, tu vas arriver avec une musique. J'avoue, hein. Pas avec l'ordinateur que j'ai là, excuse-moi, mais non. Donc, vous êtes à Assemblage requis maintenant, François-Olivier. Mathieu Plante. Badaboum, badabing. Comme ça? Badaboum, badabim. Hey, swing, swing. Vas-y. Je te parle un peu des événements qui vont se passer à l'UQTR. C'est le fun, cool, vas-y. Hein, ça te tentait? Ben oui, mais comme ça, de même, par surprise, j'aime ça. Ben écoute, t'adores les surprises, Mathieu. Ça, tout le monde le sait. Mm-hmm. Écoute, je te parle d'une super conférence qui se passe ce soir, excusez-moi, à l'Auberge Godefroy. Ça, c'est de l'autre côté du pont. OK. À la ville de Bécancourt. C'est dans le cadre d'un partenariat avec l'UQTR. C'est en fait le professeur Richard Cain, c'est pas la prononciation exacte, qui est l'invité de la Chambre de commerce et d'industrie de Bécancourt pour une présentation intitulée « Complémentarité électricité-hydrogène, un levier de développement durable ». Donc, ça peut être très intéressant, en fait. Tout ça se déroule à 5h30, 17h30, désolé, à l'Auberge Godefroy. À Bécancourt. Mm-hmm. Je te parle aussi d'une... comment je pourrais dire ça? Une conférence, excuse-moi, je cherche mes mots. L'électricité, une clé pour comprendre les représentations du Québec contemporain. Et ça se déroule à midi, le 25, donc demain. C'est ça, exactement, jeudi. C'est une conférence de Stéphane Savard, boursier postdoctoral de l'Université Concordia. C'est une conférence organisée dans le cadre des conférences midi du CIEQ. Donc, pour information, vous pouvez visiter le www.cieq.ca. Et puis, encore ensemble, demain, 12h30, à l'Atrium Paul-Émile Bordois. Ensemble pour la santé, l'interdisciplinarité en action. Donc, des fois, ça peut intéresser les gens. C'est en fait vice-rectorat aux études de cycle supérieur. Et à la recherche, invite les professeurs impliqués en fait, dans le domaine de la santé, les équipes de recherche, portant sur la thématique Ensemble pour la santé. Donc ça va permettre aux étudiants professionnels du milieu de connaître davantage ce qui se fait en santé à l'UQTR et favoriser ainsi le développement de thématiques et de recherches porteuses. Ça peut être intéressant dans le sens que on sait de plus en plus que la santé est prise à cœur dans les entreprises. Dans les entreprises de nos jours, là, en fait, là, que ce soit les petites ou les grandes entreprises. C'est des actions, d'ailleurs, qui ne coûtent pas nécessairement cher à l'entreprise au point de vue monétaire et ça peut rapporter très gros dans le sens où on pense où l'absentéisme dans les entreprises peut vraiment coûter très cher à l'entreprise elle-même. Là. Donc, peut-être c'est ça. Développer des moyens pour favoriser ça au sein de l'entreprise. Ça peut être intéressant, bref. Moi c'est des trucs qui m'allument. Ben c'est parfait, ça. Et puis, je te parle d'un match de hockey des Patriotes, le 26, ça tombe vendredi, mm-hmm. à 19h15 au Colisée de Trois-Rivières. Adulte, 8$, étudiant, 3$. C'est gratuit pour les étudiants de l'UQTR. Mm-hmm. Vendredi, le 26, à 19h15, évidemment. Les Patriotes reçoivent le Guelph au Colisée de Trois-Rivières. Donc, allez les encourager. Oui, c'est important, ça. Oui. Bon. Et puis, c'est tout. J'arrête ça là. Ouais. Les gens qui ont oublié un numéro de local ou un endroit ou une date, ces dates-là sont sur le site internet de l'Entête, c'est bien ça? Oui, c'est ça, exactement. Tout à fait. Sur entête.qtr.ca, entête.qtr.ca pour toutes les informations si vous les avez oubliées. Tout à fait. Merci François. Fait plaisir, M. Plante. M. Plante. C'est à mon tour de te planter des informations telles les... T'as un marteau. C'est ça. Telles des graines dans le sol. Hein? Non, t'aimes pas mieux ça? Ah, je sais pas. Dur à dire, hein? Ouais. On va se renseigner un peu, mais t'apprendre des affaires. Voici, c'est un fait. À chaque fois, j'essaie de prononcer le mot affaire le plus croche possible et je pense que ça s'en vient pas pire, hein? Affaire. Mais il y a des mots comme ça, hein, qu'on sait pas trop pourquoi on prononce... tout croche, là, mais... Ben, c'est l'accent trifluvien, je pense. Peut-être, malheureusement. Hein? Peut-être. Le Trois-Rivières. Trois-Rivières. C'est juste pas joli dans la bouche de grand monde, finalement. Mais bon, que voulez-vous? C'est comme ça. C'est un fait, c'est la chronique des choses véridiques, véritables et vérifiables. Les 3V. Hein? Il y a les 3W pour l'Internet, il y a les 3V pour c'est un fait. C'est comme ça. Savais-tu que le Canada a plus de lacs que le reste du monde, tous les pays du monde, combinés ensemble? Hein? Oui? Non. Le Canada a Vas-y. En fait, on pogne le Canada et puis on a plus de lacs que partout ailleurs dans le monde. Ouais, de lacs. Wow! Lacs. Ouais, c'est ça que j'ai dit. Pas des bassins d'eau. Parce que ça, j'imagine que les océans sont peut-être un petit peu plus... Non, c'est ça. Puis en je pense pas que les océans appartiennent à un pays. Là. Non, c'est ça, exact. Mais... Ils sont entre les pays. Ouais, c'est ça, exactement. Mais c'est très cool, ça. Ouais. Ben, le Canada a plus de environ 60% des lacs du monde. Hey, je pogne de quoi, pour vrai? Y a pas de chiffre officiel pour les plus petits lacs. Par contre, il y a 31 752 lacs qui font plus que 3 km carrés. Hey. Ouais, c'est vrai. Y a aussi, c'est énorme. Ouais, il y a aussi 561 lacs qui sont plus grands que 100 km carrés. En fait, presque 9% du Canada est couvert d'eau fraîche. Combien de lacs plus grands que 100 km carrés? Que 100 km carrés, 561. C'est énorme. C'est énorme. Malgré ces milliers de lacs l'année dernière, l'été passé, en fait, le Canada a dépensé presque 2 milliards de dollars sur un faux lac pour le sommet du G8. c'était important de parler. Ah, c'est beau. Ah, mon Dieu, l'argent, ça va à la bonne place. N'importe quoi. Allons-y avec un autre fait, toujours dans la chronique, c'est un fait bien évidemment. Savais-tu que les tigres, parlons des tigres un peu, ils peuvent manger jusqu'à 80 livres de viande en une seule assiettée? 80 livres, c'est pas mal. C'est en fait environ presque, je suis très précis dans mes chiffres aujourd'hui, c'est presque le quart de leur poids total. Ils sont des chasseurs carnivores évidemment et c'est pratique. Parce que les prédateurs ne savent jamais quand sera leur prochain repas, nous dit-on. Oh! Voilà. C'est bien fait la nature pour rien. Tout à fait. Ils réussissent à tuer leur proie environ une fois pour chaque 10 essais. Une fois par 10 essais, ils réussissent à tuer leur proie. Bon, c'est dit. Presque 20% des gens pourraient ne pas regarder la télé en 3D, pourraient ne pas être capables de regarder la télé en 3D parce qu'ils ont soit un œil paresseux, un œil croche finalement, ou soit ils sont daltoniens, soit ça crée des maux de tête. Okay. C'est vrai que daltonien, ça fonctionne pas. Ça marche pas du tout. Mal de tête, chronique peut-être, à cause de ces effets-là, ou encore motion sickness, tu sais, comme quand tu prends un bateau, là, comment t'appelles ça quand il y a des vagues. Là. Le mal de mer. Mal de mer. À peu près un genre de similaire au mal de mer pour les gens qui regardent la télé en 3D. Donc, 20%, on dit, pourraient ne pas regarder la télé 3D. Mmh. Intéressant quand même. Le terme en français, je ne le connais pas, je l'avoue. Protracted hiccups. Des hoquets que tu peux pas contrôler. T'as déjà eu ça, c'est sûr. Tu sais, des hoquets qui sortent tout seuls. Ouais. Ça arrive plus chez les hommes que chez les femmes. C'est pour ça que peut-être que les femmes ou ta blonde te croient pas quand tu dis qu'il y en a qui sortent tout seuls des fois. Tu peux pas leur tenir. Ben, tu peux pas retenir ça. Tu peux juste pas retenir ça, c'est ça. La fréquence de hockey chez l'homme et la femme est environ pareille. Par contre, dans 82% des cas où les hommes ont le hockey, ils sont de la variété qu'on appelle protracted en anglais. Donc, ils sont plus longs et plus difficiles à retenir. Typiquement, les hockey des femmes sont beaucoup plus rapides. Tac, tac, tac, tac, psyro, psyro, psyro. Heureusement, pour les deux sexes, la fréquence de hockey descend alors que les gens vieillissent. Donc, plus tu vieillis, moins t'as le hockey. Drôle, hein? Pour vrai? Oh, ouais. C'est ce que les faits disent sur les différents internet. Attends un peu, Mathieu, je suis en train de chercher le record du plus long hockey. OK. C'est-tu la fille qui a pris ça, c'est Mie à tuer du monde? T'as vu ça récemment? Hein? Ouais, il y avait une fille qui avait. C'était Jennifer Mie, quelque chose du genre. Il y avait un article là-dessus récemment. La fille, elle avait eu le hockey pendant plusieurs mois. Elle avait passé en entrevue à la télé, tout ça. On avait vu ça au tout des shows, en train d'avoir le hockey comme à chaque quelques secondes. Et puis récemment, elle avait fait partie d'un gang, quelque chose du genre, je n'ai pas les détails, mais qui a tué quelqu'un, genre. Quelque chose comme ça. Non. Mais elle a plus le hockey maintenant. En tout cas. C'est vraiment bizarre. Ben intéressant, sans avoir les détails comme ça, mais c'est à peu près ça ce que j'ai retenu de tout ça. OK, OK. Attends un peu. Le record du hockey le plus long connu à ce jour est détenu par Charles Osborne, okay, qui hockeyta sans interruption pendant combien de temps, tu penses? Je sais pas. Okay. Ça va sur des années pour vrai, mettons? Des mois? Ouais, ça va sur des années. Plusieurs années, mettons, ouais. Mettons 5 ans? 68 ans. Non, non, non. De 1922 à 1990, c'est hallucinant. Non, tuez-moi tant qu'à ça, sérieux. Mais je pense que j'en aurais fini avec la vie. L'euthanasie assistée pour ça, hein, non? Ça n'a aucun sens. Hey, quand tu penses à ça, là, Mathieu, là, t'as fait, exemple, t'es à ton bal, t'as eu l'enquête. Ouais. Tu t'es marié, t'as eu l'enquête. Comment t'as fait pour te marier avec le hockey? Bon, ça, c'est une autre affaire. Non, mais tu sais, toutes les grandes étapes, ouais. T'as passé ton permis de conduire avec le hockey, t'as fait tes oraux avec le hockey. Oui. Non, c'est incroyable. Ça n'a aucun sens. C'est incroyable, j'en reviens pas. Non. Ça, je sais pas comment. La médecine n'a pas encore de moyens pour régler ce problème-là. Hallucinant. 68 ans. Au pire, enlevez-y tout ce qu'il y a dans la bouche. Complètement, puis tu sais, qu'il soit muet, je pense qu'il va aimer mieux être muet qu'à d'avoir. Mais je sais pas s'il est mort. Hein. En tout cas, bref. Et j'espère qu'il a vécu un peu au moins une année sans avoir l'enquête. Ouais, non, avant de mourir, quand même, une petite récompense à la fin, hein. En tout cas, bref. C'est la chronique, c'est un fait qui continue, donc on parle de choses véridiques, véritables et vérifiables. Au Japon, savais-tu qu'il y a des concerts holographiques avec une chanteuse par ordinateur? Savais-tu ça? C'est pourtant vrai. Le nom de l'hologramme est Hatsune Miku et elle est un produit de la technologie qu'on appelle Vocaloid Synthesizing Technology de Yamaha. Donc, en quelque part, là-dedans, au fond de tout ça, il y a une vraie voix humaine qui a enregistré la chanson. C'est une actrice de dessin animé qui a fait la voix. Mais Miku elle-même n'est pas réelle et ses concerts sont composés de lumières préprogrammées et de sons préprogrammés. Elle a les cheveux bleus, allez voir sa photo et un vidéoclip sur assemblagerequis.com dans la section C'est un fait. Mais sa voix, donc, comme je disais, est basée sur la voix d'un acteur de dessin animé, d'une actrice de dessin animé. Les vraies chanteuses n'étaient pas intéressées à avoir leur voix associée à ce personnage-là, à utiliser leur voix pour quelque chose qu'ils trouvent c'est pas bon, hein, si on veut. On sait pas comment c'est devenu populaire, mais on sait que peut-être que le futur de la musique va passer par là, peut-être ici au Canada. On sait pas. Peut-être. Une voix par ordinateur. C'est vraiment n'importe quoi. Savais-tu qu'environ un demi-milliard de gens en Chine ne brossent jamais leurs dents? Tu sais, le cliché d'habitude sur les Anglais en Angleterre et tout ça, on dit qu'ils ne lavent pas les dents, mais en Chine, non, c'est pire que ça. On estime que moins de la moitié de la population rurale et seulement 10% des gens dans les villes en Chine ont une bonne hygiène dentaire. C'est tellement mauvais que les gens utilisent des branches ou du thé vert pour nettoyer leurs dents. C'est incroyable. Soit par tradition ou par pauvreté en Chine. Même l'ancien chairman Mao Zedong, on dit qu'il y avait tellement des dents pourries qu'elles étaient même vertes. Elles étaient tachées vertes. Maintenant, le Chinese National Committee for Oral Health, donc le Comité national chinois pour la santé buccale ou orale, encourage les gens à brosser leurs dents et à aller au dentiste. Présentement, environ pour chaque 60 000 personnes en Chine, il y a seulement un dentiste. Donc, un dentiste par 60 000 personnes en Chine. Tabarouette. Incroyable. Les gens n'ont peut-être pas les moyens, par exemple. C'est ça, on parle de pauvreté, ça pourrait très bien arriver. Fait que 60 000, on peut comprendre aussi qu'ils ne sont pas tous riches. Dieu sait qu'il y a du monde. Et que oui, que oui, que oui. La plus grosse boule d'élastique pèse 4594 livres. Une balle a été complétée en novembre 2006 par Steve Milton de Eugene en Oregon. Il a commencé le travail environ un an plus tôt. Milton avait besoin de 4 bodybuilders pour faire rouler la balle de 5 pieds et demi par 19 pieds. 4 bodybuilders. Ouais, sur une balance pour faire la pesée officielle. La balle contient plus de 175 000 rubans de... Comment dire, là, des élastiques finalement. Ouais. Monsieur Milton s'est fait un conseil pour ceux qui veulent créer leur propre balle d'élastique. Il faut ajouter des élastiques à la balle à tous les jours, même si c'est seulement pendant quelques minutes, et se rappeler de la déménager dans le garage avant qu'elle passe plus dans la porte. Je crois que c'est un conseil qu'il a vécu lui-même. Hein? Ouais, c'est ça. Ça a l'air un petit peu. En tout cas. Hey, ça, qu'est-ce que tu veux faire dans ce temps-là? C'est ça. Et il dit, les élastiques, des fois, ça peut arriver de péter et ça peut faire mal. Donc, porter des lunettes de sécurité. Le gars, il en a de la morale. Hein? Il a appris sa leçon. Quel homme. OK, j'en ai quelques derniers. On va y aller. Tu vas me dire, OK, je vais te faire choisir parmi les derniers. Je garderai les restants pour la prochaine chronique. Okay, parfait. Tu as le choix entre le premier cellulaire qui coûtait 4 000 $, un homme qui a sauvé la vie de 2 millions de bébés à cause de son type sanguin spécial. Tu as l'astronaute Neil Armstrong qui a laissé ses bottes dans l'espace. Tu as les koalas qui dorment presque toute la journée. Donc, choisis parmi ces superbes faits. Le cellulaire, on va prendre le premier. En fait. D'accord. C'était vraiment une brique, le premier cellulaire qui coûtait 3 995 $. Il pesait 2 livres. C'est une leçon pour le passé parce que nous, on n'était pas là. On était sûrement là, mais plus jeune. Donc, les adultes vont rire de mon fait en disant que c'est donc évident. Mais 2 livres, 3 995 $, il fonctionnait seulement pendant une demi-heure. Il fallait le recharger après une simple demi-heure. Quand même, pareil comme à la sortie du iPhone, les gens se mettaient en file pour mettre la main sur ce premier cellulaire non. En 1984. J'avais un an. T'avais quel âge en 1984? T'avais moins un an? Tout dépendant de quel jour en 84, là. C'est ton année de naissance? Ouais, wow. Tout à fait. Rudy Crowlap et Martin Cooper ont commencé à travailler sur ce téléphone, le Motorola Dynatac 8000X en 1972. Personne ne pensait à cette époque-là que c'était possible de faire un téléphone portable, mais leur équipe a réussi à trouver une façon de faire un prototype en dedans de 6 semaines. Ça a pris 10 ans et 100 millions de dollars avant que le premier modèle soit révélé en 1983 parce qu'ils devaient attendre que les tours de téléphone cellulaire soient construites pour pouvoir marcher avec le système. Donc voilà, c'était le Motorola Dynatac 8000X en 1972 pour 3 995 $, le premier cellulaire à vie. Ça a beaucoup ça a évolué considérablement. Moi, je me rappelle, en fait, mon oncle avait un cellulaire, là, un Motorola, mais tu sais, un gros, là. Est-ce que tu les avais déjà vus, là? Les super profonds, genre, là, ben, ça ressemble un petit peu à ça, les premiers modèles. Ouais. Ah, sac. On est. Mais ça, par exemple, ça pognait partout, hein? Mm-hmm. Ouais. Comparativement la réception était meilleure qu'aujourd'hui, tu veux dire? Oui, tout à fait. Ça ne me surprend pas du tout, François. Ça ne me surprend pas du tout. Mais ce qui me surprend, c'est que c'est déjà la fin de ces... C'est un fait. Et après, la fin d'assemblage requis aussi, dans pas parce que c'est la fin, il est 56. T'as raison, mais quand même pas le temps d'aller retourner en musique, toi. Il va falloir arrêter ça, là. C'est un peu triste, je trouve. Mais tu pourrais en faire un peu. Si on va pas en musique, on a peut-être le temps de... Non? Pour un dernier fait? C'est ça me tente. Tu veux un dernier fait? Ben... OK, allons-y. Dernier fait, t'as le choix, donc Neil Armstrong, le gars qui a sauvé des bébés ou les koalas? Neil Armstrong, allons-y. Ses bottes dans l'espace, c'est quoi? Ben, tout à fait. Donc, l'astronaute Neil Armstrong a laissé ses bottes de l'espace sur la Lune et à 30 000 $ par paire, laisser ses bottes sur la Lune, c'est pas peu cher. Mais par contre, c'était pas une gaffe. Non. C'était pour voir si... Tu vas voir, ces bottes-là doivent supporter des températures entre moins 350 et 350 degrés Fahrenheit et supporter l'impact potentiel d'une petite météorite à des vitesses qui vont jusqu'à 45 000 à l'heure. Donc, heureusement, c'était pas un oubli de la part de Armstrong. Il s'en est débarrassé pour compenser pour le poids additionnel des roches lunaires qu'il avait ramassées. Exactement. Donc, les bottes d'Armstrong ne sont pas les seules bottes sur la surface lunaire en ce moment. Il y a 9 autres paires, donc 18 autres bottes, toutes portées par des astronautes pendant les missions Apollo. Après 40 ans, ces bottes-là se sont peut-être déjà dégradées au point où même juste les toucher pourraient les changer en poussière. OK, je pensais qu'on les voyait encore. Ben, il y en a qu'on voit encore, mais c'est ça, si tu allais les toucher, peut-être qu'elles se désintégreraient, nous dit le fait. Voilà. Et tant qu'à avoir encore un petit peu de temps, j'ai hâte de te parler de ça, donc je t'en parle. C'est le gars avec le sang. OK? Ouais, vas-y. D'accord. Qui a sauvé beaucoup de vies. Oui. C'est James Harrison, un homme australien avec un rare anticorps dans son sang qui fait qu'il peut, régler des problèmes d'anémie. Qui pourrait empêcher donc les enfants de mourir de la maladie de rhésus, qui rend son... parlons de la maladie de rhésus, ça rend le sang du bébé incompatible avec celui de sa mère, donc ça peut mener à une mort ou à un dommage au cerveau. Donc, à l'âge de 74 ans, Harrison donne du sang depuis 56 ans. Total de 984 dons jusqu'à maintenant. Ses efforts ont sauvé la vie de 2 millions de bébés. C'est énorme. C'est vraiment génial. 2 millions. Cet homme est un héros. Mais là, on dit sauver la vie, hein? Sauver vraiment la vie? Avec du sang comme ça. Non, sauver la vie d'un bébé qui aurait facilement, qui serait mort à cause de s'il n'y avait pas eu donc, ça. Donc, waouh, c'est formidable, là. C'est 2 millions. Là. Mais oui, ça n'a même pas de sens. On dit que Harrison, quand il a commencé à donner du sang, son sang était tellement considéré comme un sang qui a de la valeur que sa vie a été assurée pour 1 million de dollars australiens. Et son sang a même été utilisé pour développer un vaccin qui s'appelle l'anti-D. Donc voilà, un héros parmi nous, comme ça, en Australie. J'aime ça. C'est la fin d'Assemblage requis pour aujourd'hui. On se retrouve demain à 7h. Qu'est-ce qu'il y a demain, très rapidement, François? Simon Fitzbé avec le Simon Fitzdé. Oui. François Landry avec le logo Crassie 101. Et nous serons là aussi, donc soyez-y à 7h. D'ici là, tout à l'heure, à 11h, il y a Danny Janvier avec son dîner de con. Les nouvelles de Radio-Canada s'en viennent. Passe une très belle journée, François. À vous aussi, Mathieu Plante. T'es soulagé de ton oral, fait que tu peux aller te faire autre chose. Hein? Passe à la brosse. Passe à la brosse. Bonne chance. Non. Bye. Bye. Bonne journée. Sur les ondes de C'est fou, voici maintenant le bulletin de nouvelles de la première chaîne de Radio-Canada.